Le comité préparatoire vénézuélien pour célébrer la journée du soleil et la journée de la brillante étoile a été constitué à Caracas. Il a discuté des questions consistant à organiser à l'échelle nationale des activités politico-culturelles pour présenter largement la vie révolutionnaire et les exploits accomplis par les grands hommes pectusan. Par ailleurs, le Parti communiste de Russie a constitué le comité préparatoire pour le 75e anniversaire de naissance du grand dirigeant Kim Jong-il, alors que le comité préparatoire belge pour la journée de la brillante étoile est fondé à Bruxelles.